ندخل اليوم في السؤال 35 بعد 100، 135 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن عبارة لم تسمح لي الظروف أو لم تسمح لي الوقت. Donc il a été interrogé à propos de l'expression qui est de les imprévus ne me l'ont pas permis. C'est-à-dire que je vais faire une chose, les imprévus ne m'ont pas permis de faire telle chose, ou le temps ne m'a pas permis de faire telle chose, ou on va dire plutôt le manque de temps. D'accord ? Ne m'a pas permis de faire telle chose. Donc il est interrogé, est-ce qu'on peut dire cela ? فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ وَقْتٌ يَتَمَكَّنْ فِيهِ مِنَ الْمَقْصُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ أَنَّ لِلْوَقْتِ تَأْثِيرًا فَلَا يَجُوزُ. Il a dit, si l'intention est de dire que, en fait, il n'a pas eu le temps de faire telle et telle chose, d'accord ? Alors cela est permis. Par contre, il veut dire par là que le manque de temps a une influence sur le cours des choses en lui-même, alors cela n'est pas permis. Car comme on a dit auparavant, cela est lié au qadar. C'est Allah qui a prédestiné que tu n'aurais pas eu le temps. Et non pas le temps en lui-même qui a décidé de ne pas laisser faire les choses. Le temps n'a pas de volonté, c'est une créature sans volonté. C'est une créature sans volonté. Non. Et quand même il aurait une volonté, sa volonté aurait été sous celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des choses inertes qui ont une volonté. Il y a des choses inertes qui ont des volontés et Allah a plus savoir de cela. ثم قال في السؤال السادس والثلاثين بعد المئة 136e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة صدفة دام فضلكم ونفع الله بعلومكم. Donc là, il est interrogé à propos de l'emploi du mot hasard, par hasard. Le fait de dire par hasard. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بها التعبير بهذا التعبير صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يحضرني الآن حديث معين في هذا بالخصوص وفي هذا الخصوص. Donc il a dit, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à employer ce terme car c'est une chose qui est à laquelle les gens sont accoutumés. Et je pense qu'il y a des hadiths qui sont venus qui emploient ce terme-là. Par exemple, quand il dit hasard, c'est aussi coïncider. J'ai oublié de préciser. Cela s'est passé par hasard ou cela s'est passé par coïncidence. Et il a dit, il y a des hadiths qui sont venus dans le sens où ils disent, les sahabas disaient par exemple, notre venue a coïncidé par exemple avec celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou le contraire. La venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a coïncidé avec tel et tel événement. Il a dit, il y a des hadiths qui en parlent, mais je ne m'en rappelle pas sur le moment, précisément. قال والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادف هو الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له. Donc il a dit ce qu'on appelle la coïncidence ou le hasard par rapport à l'être humain, c'est une chose qui se déroule car l'insane ne connaît pas l'invisible. Il se peut que des choses lui parviennent, lui arrivent sans qu'il ne le ressente ou sans qu'il ne l'ait prévu, d'accord, ou sans même qu'il n'y ait à la base de causes apparentes qui aient amené à cela. Ce sont des choses qui viennent soudainement. Donc à ce moment-là, le mot hasard ou le mot coïncidence peuvent être employés. لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده مقدر وهو سبحانه وتعالى لا يقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. On a dit par contre concernant Allah, les actes d'Allah عز وجل, alors on ne dit pas le hasard ou la coïncidence là, car tout ce que Allah عز وجل fait, cela est connu, il sait ce qu'il fait, toute chose auprès de lui prédestinée et dosée. Donc, venant des actes d'Allah Azzawajal, cela est interdit de l'employer le terme par hasard. Ce n'est pas possible. Donc, on précise bien que cela qui n'est que par rapport à l'être humain. لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات. فهذا يقال له صدفة ولا حرج فيه. أما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. وكيل ريبيت encore à la fin concernant dis-moi concernant moi ou toi ou parmi des personnes, le hasard peut se produire, une chose qui n'était pas prévue, une coïncidence également peut se produire, cela n'était pas prévu. Mais concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne se dit pas, cela est interdit, cela est haram. Non. طيب فنكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين.